Et bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans le troisième numéro de Dans ton cube. Alors, on a presque un an de retard. Un an de retard sur le numéro 2. Donc, on est désolé, mais on va se rattraper, on va parler de ça. Je pense même qu'on va réussir à faire un petit mix entre peut-être le DevOps d'un mois et le Dans ton cube un autre mois. Enfin, voilà. On va voir comment on se démerde. En tout cas, autour de la table, c'est cool. On est 5 pour parler de Rancher aujourd'hui. Donc, vous allez voir un peu tous les produits autour de Rancher. Je vais laisser la place au nouveau d'abord. Donc, on a Ryan qui est le petit nouveau dans les, enfin, petit, enfin, en tout cas, il est le petit nouveau dans les, dans l'équipe, et dans les podcasters. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc, du coup, bonjour à tous. Enfin, bonsoir plutôt. Moi, c'est Ryan Belazar. Du coup, je suis consultant, pour Thales, et je travaille, du coup, dans la même équipe, que Guillaume, donc l'équipe Platformers, donc on est en train justement de travailler autour de Kubernetes et de l'implémentation de Rancher. Voilà. Ça y est, tu spoiles tous les effets d'annonce, mais bon, non. Bon. Avec nous, on a aussi donc Jérôme. Oui, bonjour, c'est Jérôme Delahaye, je travaille chez BNP Paribas, et du coup, je suis dans une équipe qui fournit un service Kubernetes à la banque. Et donc, on est basé sur du ICP, IBM Cloud Private. Donc, c'est du on-premise pour le moment. On va s'ouvrir vers le cloud avec un gros contrat. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer dans la presse avec IBM. Donc, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Et puis, voilà. Super, cool. Alors, Xavier. Bonsoir, moi c'est Xavier, SRE chez Le Bon Coin. Et je travaille principalement avec l'équipe Data Engineering dans le cloud. Dans le cloud, ok. Oui, contrairement à Le Bon Coin qui est full bar métal, à l'ancienne. Ok, et enfin Barthélémy. Toujours Barthélémy Vesmont, SRE chez Criteo. Et voilà, je suis nouveau dans ton cube quand même. Ouais. Habitué de DevOps, mais nouveau dans ton cube. On dira pourquoi. Bah si, on peut dire pourquoi. On n'en faisait pas avant. Voilà, on n'en faisait pas avant. On se lance dans un projet tout récent de Kubernetes on-premise aussi à Criteo, qui est en cours de validation. Voilà. Donc en production depuis une semaine. Waouh. Et donc moi, Guillaume Létron. Et donc, alors moi pour le coup, je bosse en tant que freelance. Alors beaucoup sur l'installation de Cube. Alors de l'AKS, de l'EKS, du GKE, etc., etc. Et j'aide principalement donc les clients soit à monter des équipes, comme là ici chez Thales, où j'aide des équipes à monter des sortes de Kubernetes as a service, ou alors vraiment d'aider des équipes à juste manager un cluster pour leur projet. Et en fait, c'est dans ce cadre qu'on a pu pas mal utiliser Rancher ces dernières semaines, mois. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a eu pas mal d'annonces en termes de projets autour de Rancher. Donc, on va un peu tous les évoquer. Mais même de parler un peu plus vraiment du projet. Enfin, qu'est-ce que peut apporter Rancher et d'où est-ce que ça vient? Je vais faire un petit historique d'abord pour ceux qui peut-être qui voient pas trop ce que c'est. Donc déjà Rancher, c'est une compagnie, mais c'est aussi un produit qu'on va appeler Rancher. Rancher 1.0, il faut voir que c'était un peu, enfin c'était donc un prémisse. C'est obsolète entre guillemets. C'était vraiment déjà un orchestrateur. Donc on avait quelque chose qui venait par-dessus Docker et on avait un orchestrateur appelé Catl qui permettait donc de déployer des conteneurs sur du Docker. Comment tu dis? Catl. Catl. Nice. Non, pardon. Déjà, pardon. Ça attaque dès le début. Oh là là, oui. Ça va bien se finir. Je te jure. Donc on avait cet orchestrateur là. Il a pas mal d'avantages parce qu'en fait il était très très user friendly et ils ont toujours été très axés sur le fait de s'intégrer facilement avec une UI et s'intégrer facilement avec des produits qu'on déploie, etc. J'ai pas beaucoup d'expérience avec Rancher, donc je vais être un peu la pièce rapportée tout au cours de ce podcast. Mais ce que je me rappelle, parce qu'on l'a utilisé il y a 2 ans un tout petit peu. Ensemble, Guillaume était avec moi, on travaillait ensemble. Et vraiment, le plus gros avantage à l'époque de Rancher, c'était en une seule commande, on faisait une espèce de bootstrap dans son bash et on avait un cluster qui fonctionnait où on bootstrapait directement ces machines sur Kubernetes. Et déjà, alors aujourd'hui, à l'époque, ça peut sembler plus ou moins normal, mais il y a 2-3 ans, c'était quelque chose qui était absolument magique. Et c'était déjà un exploit à l'époque. Oui, et en plus, enfin, en fait, il y avait toute la notion de partage de connaissances à l'intérieur d'une entreprise qui était en fait un catalogue. Il y avait pas mal cette notion de partage d'une application du type une application, enfin une équipe dans un coin fait une application, la partage aux autres et de facilement pouvoir l'installer. En fait, il y a toute cette notion en fait dans Rancher depuis le début et c'est plutôt pas mal. Ça, c'était Rancher 1. Donc, ce qu'il faut voir bien sûr, c'est que Kubernetes a un peu gagné la guerre la guerre des orchestrateurs. Hein. Voilà, la guerre des orchestrateurs. Clairement, c'est on a quelque chose. Enfin, voilà. Enfin, je vais y arriver. Par rapport à Swarm, par rapport à Nomad. Chez HashiCorp, voilà, Nomad. On voit vraiment que maintenant, il n'y a plus le choix, en fait. Enfin, Kubernetes a un peu gagné sur tous les autres. Et donc, en fait, il y a eu un move qui a été fait par Rancher, qui est de passer à Rancher 2.0. Donc, si jamais vous avez utilisé une fois dans votre vie Rancher 1.0, dites-vous que Rancher 2.0 a rien à voir. Rancher 2.0, c'est vraiment une interface et un helper, on va dire, je vais dire ça comme ça, par-dessus un Kubernetes. Ce que va faire Rancher 2.0 et tout celui qui vient après, donc maintenant on a la 2.2 qui va bientôt sortir. D'ici fin mars, oui. Voilà, d'ici fin mars, donc c'est vraiment d'ici quelques semaines. On a en fait un helper pour pouvoir gérer une flotte de clusters. Donc Rancher va orchestrer par exemple de l'AKS chez Azure, de l'EKS chez Amazon ou du GKE chez Google, mais même en plus sur plein d'autres potentiellement, va spawner vos clusters et après va les gérer. Alors quand on dit gérer, ça veut dire qu'il va faire le monitoring dessus, il va gérer les utilisateurs et en fait il va se mettre donc en frontal de votre Kubernetes. Pour se connecter à votre Kubernetes, vous allez passer par Rancher. Vous allez soit passer par l'UI, donc l'UI qui permet de faire ce qu'ils appellent des workloads. Vous voyez ça vraiment comme un déploiement. Enfin, vraiment, c'est donc vous avez une interface pour faire facilement un déploiement directement via une UI. Alors vraiment en clicodrome comme vous voulez. Mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter via kubectl et en fait Rancher va se mettre entre vous et entre le client kubectl et le cluster final. Ouais, c'est un bastion SSH. Quoi, exactement. En fait, c'est un bastion cube. Ouais. C'est un bastion cube, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre vos utilisateurs. Donc, ils vont avoir un kubectl dédié, un kubeconfig mm-hmm. dédié pour eux. Donc, avec un token dédié, etc., par utilisateur et par cluster. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer les droits airbag au niveau de Rancher. Vous allez pouvoir faire des groupes de rôles et dire, OK, bah, tel user, il a accès, il a le droit à telles actions sur le cluster, etc., etc. Et c'est directement Rancher qui va faire cette gestion des droits avant de forwarder les requêtes au cluster que vous avez spawné. Et en fait, comment ça se passe si jamais on regarde Under the Hood, parce que c'est toujours marrant de regarder comment c'est fait en dessous, c'est qu'en fait, il y a des agents qui tournent dans votre cluster. Donc en fait, installer Rancher sur un cluster qui est déjà existant, c'est une ligne de kubectl. Vous faites kubectl apply un manifeste qu'on vous donne. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va spawner un daemon set sur tous les nœuds. Donc ça permet d'avoir le reporting, le monitoring sur tous les nœuds et un cluster agent qu'ils appellent, donc qui tourne en tant qu'un déploiement. Et en fait, tous ces agents, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent un WebSocket vers Rancher et ce WebSocket, il gère dans les deux sens. Donc en fait, ça fait une espèce de tunnel WebSocket entre le cluster et Rancher. Ce qui fait qu'en fait, comme ça, même si l'API n'est pas accessible de l'extérieur, Rancher a toujours moyen d'y accéder en passant par le WebSocket qui a ouvert un pod à l'intérieur du cluster précédent. Donc, je peux pas avoir un serveur Rancher dans mon infrastructure, je peux me l'installer ou alors c'est uniquement sur Internet, as non. a service. Non, c'est vraiment, vous avez une charte Helm. En fait, Rancher, et c'est là encore la magie qui est là. Je parle du côté serveur, je parle pas du côté ce que j'installe sur mon... Non, c'est, je parle vraiment du côté serveur, c'est une Helm charte que tu vas pouvoir installer puisqu'en fait, donc il y a deux modes. Il y a un mode single où je sais plus comment c'est installé. Enfin, c'est un mode standalone qui s'installe directement depuis Docker. D'accord. Donc voilà, on a une grosse commande Docker run à lancer, donc là c'est vraiment idéal pour du test. Mais après voilà, on a vraiment un mode haute dispo pour vraiment de la prod et là c'est sur Cube. Cube. Rancher, c'est un méga géant opérateur. Mais quand je dis méga géant, ça veut dire qu'en fait, il te déploie 20 CRD en fait. Et en gros, la base de données de Rancher, c'est Cube. Et ça c'est toutes les actions que tu fais dans un Rancher, mais vraiment toutes sont des objets Kubernetes. D'accord, donc tout en fait est stocké dans etcd au final. Exactement. Ah, okay. Ou enfin, en gros, dans ta base, dans ton API. Et donc, en fait, ça veut dire que, bah, il gère la cohérence, il gère tout. Ce qui fait même que backupper un rancher, normalement, c'est backupper les objets Kubernetes qu'il a créés. Ce que ça veut dire aussi, et c'est quelque chose, par exemple, qu'on est en train de faire, c'est que si jamais tu veux rajouter des fonctionnalités à rancher, alors, soit tu les codes dans rancher directement, soit, bah, tu codes un opérateur. Et en fait, cet opérateur peut très bien modifier les objets que rancher a créés pour pouvoir faire des actions supplémentaires. Et donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on est en train de, mettre en place voilà, chez Thales par exemple. Une question de Christophe que vient de me forwarder. Question YouTube live, parce que nous sommes sur YouTube live, vous pouvez nous voir, il faut être abonné, il faut savoir quand ça va se passer. Voilà, donc on a une question de Christophe qui nous dit est-ce que l'un de nous a testé OpenShift comme surcouche à Kubernetes? Alors c'est vrai que là aujourd'hui, donc pourquoi on a fait Rancher aujourd'hui, il faut voir que c'est en fait on avait un rendez-vous avec Rancher, donc on a un peu parlé avec les gens donc de Rancher Labs directement, et c'est vrai que eux nous disent souvent, enfin nous ont dit que les gens choisissent entre Rancher, OpenShift ou une autre surcouche PKS ou même ICP de IBM, et c'est vrai que c'est des surcouches, on voit ça comme des surcouches à Kubernetes. Bah c'est vrai que Tectonic, étant donné que c'était Core, ça s'est fait racheter par Red Hat, maintenant ça va être OpenShift quoi. Ils avaient dit que grosso modo ils réintégraient Tectonic à l'offre OpenShift. Ah oui, bah donc dans le déploiement en fait. Oui, dans la partie pour le déploiement des clusters. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a testé OpenShift déjà? Ça sera. Nope. Moi, je connais des gens qui connaissent des gens. Moi, oui, donc un petit peu. C'était pas dans le cadre donc d'une mission, c'était vraiment pour Devoteam, donc la société de conseil pour laquelle je travaille. Où justement on a plusieurs consultants, alors moi ou qui ont une expertise sur OpenShift. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment OpenShift, c'est un gros pass. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment la différence avec Rancher, c'est que Rancher lui permet de déployer donc des clusters sur différents providers, alors que OpenShift, on peut installer vraiment des. Enfin, ça gère qu'un type de cluster, on va dire. Je sais pas donc, si... Christophe Chaudier nous dit qu'apparemment la V4 semble proposer l'autoscaling des nodes et que aussi il y a l'admin du cluster, y compris la gestion des droits user. Je pense vraiment la différence, vraiment c'est une différence même assez de vision, c'est que en tout cas pour le moment, parce que ça risque de changer, Rancher est vraiment dans une gestion de flotte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y intégrer des clusters qui ont été faits sur à la fois AKS, à la fois GKE, à la fois faits à la main peut-être, déployés sur des machines physiques, et tous à la fin se retrouvent agrégés dans une interface que après vous allez pouvoir en fait pour facilement gérer l'usage. En fait, si jamais vous avez une team qui va donc provider du Kubernetes as a service, ça va devenir compliqué à un moment, par exemple si jamais vous avez plein de clusters, de dire ah ben je dois faire le support, alors envoie-moi le kubeconfig pour que je puisse me connecter, pour que je puisse t'aider, etc. Là l'avantage, si vous avez une team qui est donc admin du cluster de cluster Rancher, c'est qu'elle peut y avoir accès, elle peut en récupérant un fichier, voire même en utilisant la surcouche, la CLI Rancher, dire Rancher connect à tel cluster et après faire Rancher kubectl et en fait directement se retrouver à pouvoir aider quelqu'un qui a un problème avec son cluster. Et je verrais plus ça en fait vraiment comme un agrégateur de flotte. D'ailleurs, pour la petite histoire, notre projet avec Rancher et un peu tout le reste, on l'a appelé Armateur, parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est on gère une flotte de container ship, enfin de bateaux qui gèrent des conteneurs, et en fait c'est comme ça qu'on se voit un peu, comme une gestion de flotte. C'est vraiment un outil de management, vraiment. Voilà, c'est plus comme ça, et peut-être même qu'on peut, alors là, j'en ai aucune idée, peut-être même qu'on peut gérer des clusters OpenShift avec Rancher, c'est pas à voir en très très, mais je vois pas trop le problème, sachant que c'est des pods. Moi je sais pas ce qui est devenu les versions ultérieures d'OpenShift, mais tout au début en fait ce qu'ils proposaient c'était, j'ai envie de dire, une abstraction au-dessus de Kube. En gros, tu avais ton fichier OpenShift YAML et puis tu définissais comment tu voulais déployer une appli. Et en fait, en dessous OpenShift, tu utilisais Kube, mais ça pouvait utiliser autre chose. Alors que Rancher, le but du jeu, c'est de te laisser du Kube, de l'API serveur vanilla, mais juste de t'aider à manager une flotte de clusters. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vraiment, pour avoir... OpenShift embarque vraiment... un Kubernetes. C'est vraiment, contrairement à Rancher, où on a une interface unifiée pour gérer plusieurs clusters, OpenShift, on n'a pas ce côté interface qui permet de justement gérer une flotte de clusters OpenShift. Donc voilà. Donc ouais, en fait, on, ouais, en là, gros, OpenShift, c'est un gros cluster mutualisé, quoi. Multi-tenant. Exactement. D'accord, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas expert OpenShift, donc ça se trouve on dit des énormes conneries où ça se trouve la fonctionnalité est disponible maintenant. Mais voilà, c'est peut-être ça la différence en fait. C'est la Rancher sert à gérer l'hétérogénéité en fait. Je trouve. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise et comme ça que je le pousse à l'heure actuelle en fait. Et c'est vraiment super sympa parce que même ça peut permettre de d'installer ça comme on veut et après on peut importer le cluster dans Rancher. Donc c'est vraiment sympa. Je vais juste faire une aparté. On est dans des débats de spécialistes, mais des fois, moi j'aime bien rappeler des trucs qui sont complètement obvious pour nous, notamment à quoi ça sert d'avoir plusieurs clusters dans plein d'endroits différents quand on pourrait avoir un seul gros cluster ou deux ou trois gros clusters qu'on manage nous-mêmes et qui ont et sur lequel on met tous nos clients ou toutes nos applis dans différents namespaces et compagnie. Enfin, voilà, donc t'es dans rappelle, pas de débat entre voilà, un multi-gros tenant, ou plusieurs tenants, et pourquoi si on en fait plusieurs, pourquoi on les met partout et dans différents machins. Enfin, voilà, qu'on rappelle juste ces bases-là qui semblent pas forcément partagées et évidentes pour tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est pas partagé du tout. Et c'est normal. Hein. Et c'est vrai que c'est un gros débat qu'il y a, et en fait, je pense que ce débat est tout de suite... Enfin, on arrive à le casser à partir de l'expérience. C'est... Qui a déjà managé un énorme cluster sait la merde que c'est. Mais clairement, c'est, enfin, en gros, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, dès que tu fais un upgrade, c'est un peu YOLO. En plus, t'as tout de suite un problème de charge sur ta base de TCD. T'as un problème sur à peu près tout. T'as un problème après de pour gérer les namespaces, c'est-à-dire gérer finement les droits, parce que y a toujours un gars qui a besoin d'avoir un cluster role parce qu'il a besoin d'accéder à des ressources qui sont seulement cluster wide. Donc comment tu lui donnes les droits à lui en particulier, etc. Et en fait, tu te retrouves à faire du support tout le temps. Puis va troubleshoot tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une expérience parmi nous, donc je pense qu'il va vous en parler. Je commence à en avoir une bonne expérience, étant donné que notre ICP, c'est un ICP multitenante. Donc, chez nous, on a plusieurs environnements, donc un build, un prod pour des usages internes et un build, un prod pour de la Prezi, donc exposé sur Internet. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on est obligé de gérer, surtout qu'on a renforcé des pod security policy pour limiter les droits des gens. Puisque c'est un serveur mutualisé, c'est un cluster mutualisé, donc il faut faire aussi attention. Et on a des directives de groupe, typiquement du run as non route obligatoire, du read only route FS, il y a privilège escalation false aussi. Donc ça entraîne plusieurs soucis, notamment avec les personnes qui utilisent des images qui viennent de l'extérieur. Donc faut nécessairement faire un peu d'adaptation, mais bon, ça se fait. De toute façon, ta machine n'a pas accès à Internet. Donc. Nos machines n'ont pas accès à Internet, donc ça règle la question. Ah, mais du coup, voilà, en fait, avoir un gros cluster mutualisé, ça impose c'est beaucoup de contraintes de sécurité. Enfin voilà, ça laisse moins de latitude parce que Tout le monde a les mêmes contraintes. Ouais. Et donc, si t'en as un qui a beaucoup de contraintes, qu'on a besoin, eh ben elles sont tout de suite imposées. Ça, on nivelle par, celui qui a le plus de contraintes, c'est celui qui définit les contraintes de l'intégralité du cluster. Et en général, C'est particulier vu que nos contraintes elles viennent surtout des régulateurs, en fait. Oui, mais bon. Vous êtes dans le monde domaine bancaire, c'est ça? Voilà, les régulations. C'est les régulateurs qui font un peu la loi, et les régulateurs de tout type, hein, que ce soit des régulateurs français, européens, des régulateurs sur les moyens de paiement, enfin, tout ça, ça nous apporte une politique de sécurité. Maintenant, l'ANSI également, avec la loi de programmation militaire et la création des OIV, opérateurs d'importance vitale. Donc, c'est la classe. Quoi. C'est la classe. Hein. Sans nous, il n'y a plus de France. Sans nous, il n'y a plus de France. Et il n'y a même plus d'Europe, en fait. Bien joué, bien joué. Vas-y, fais ton cube, c'était delete all. Mais c'est marrant quand même de voir que dans ces conditions-là, tu arrives quand même à faire du cube et à provider du service à tes utilisateurs. Pour le moment, c'est que sur ce qu'on a classifié en low moderate. Donc, on n'est pas encore sur les grosses applis de la banque. Okay. Mais l'idée, c'est qu'on ait un mastodonte avec beaucoup de procédures, donc c'est de fluidifier un peu tout ça, en rapprochant justement les devs des ops et leur laisser un peu plus de latitude. Mais là-dedans, ça, c'est clair que ça implique beaucoup de support, en tout cas au début. Les plus avancés de nos métiers, ils sont plutôt à l'aise maintenant, donc ils nous font plus trop de demandes de support. Mais c'est vrai que ceux qui onboard sur la solution sont en demande de support sur comment créer leurs images, sur comment créer leur déploiement, respecter justement cette PSP. Et pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore assez de charge pour se confronter à des problèmes de TCD, même si on a déjà eu nos premiers problèmes de TCD suite à des désynchro NTP. Si vous avez déjà eu, c'est pas cool. On a eu sur d'autres solutions. Mais oui, c'est. Bah, on apprend au fur et à mesure aussi, hein, mais pour l'instant, on n'a pas encore éprouvé la robustesse et on s'appuie sur ICP qui fournit pour la gestion des droits de l'OIDC. Donc c'est une gestion en airbag et ça permet de plutôt bien segmenter les choses sur le cluster. Alors il vient de faire de la pub pour Intel, hein, on rappelle. Voilà, merci Intel. Si je peux ajouter juste un point pour l'historique, pour clore le débat mono multi-tenante. Et IBM. Pour la petite historique, Thales, vraiment, avant que toi, Guillaume, tu rejoignes l'équipe, il y a vraiment eu un long débat, mais c'était limite une guerre, pour savoir si on devait partir rester sur du monotenante ou aller vers du multi-tenante. Ça a été très loin, il y a eu des votes à main levée, on s'est retrouvé avec une égalité. Et une égalité et du coup la question qui a été soulevée notamment par quelqu'un de plus haut au sein donc du groupe Thales, c'était justement si on part sur N clusters, comment on les manage, et c'est là où justement la magie de Rancher opère. Ah oui, c'est clair, ça c'est justement le plus. Mais moi, ce qui m'avait toujours un peu questionné, c'est dans le système d'automatisation, c'est que une fois qu'on sait grosso modo automatiser un cluster, tu sais en automatiser plusieurs. Après, il y a comment les adresser, ça je suis sûr, c'est là où Rancher est super cool. Mais sur ce débat de un seul cluster versus plusieurs, moi j'ai toujours un peu halluciné, genre de truc, si tu sais en faire un, tu sais en faire deux, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, le débat, il était il faut pas en faire plein parce qu'on n'a pas la solution pour les gérer. Bah, voilà. Développe la solution. Enfin, ah oui, mais ça c'est toujours le faux débat, hein. Tu l'auras toujours. Hein. Si jamais t'es obligé de mettre énormément de temps après dans la gestion du cluster, bah, ce temps que t'allais mettre dans la gestion d'un seul cluster, mets-le dans le temps pour gérer une solution. Mais en plus, c'était même potentiellement faisable assez facilement. Un repository avec un YAML dedans, un petit wrapper au-dessus de kubectl, et c'était faisable assez facilement de gérer ça. Et en fait, cette manque de vision, en fait, je n'ai jamais compris si elle était due juste à une peur. La peur de ne pas savoir gérer, sachant que ça va être déjà compliqué de gérer un cluster. En fait, on était dans un combat de peur, en fait. Hein, et c'est ça que j'ai jamais vraiment compris la différence entre les deux. J'ai une avance de solution, en tout cas pour notre cas, c'est que l'obsession, c'est de rationaliser les coûts. Et du coup, on pense qu'avoir un gros cluster, ça va coûter moins cher. Sachant que dans notre cas, en fait, avant de partir sur ICP, on avait une solution maison qui savait spawner des clusters pour les clients, mais en monotenante, en fait. Donc, c'était expérimental, mais il me semble pas qu'on a eu énormément de problèmes sur ces clusters. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a arrêté de les maintenir pendant 2 ans. Donc, au bout d'un moment, ils commençaient à tomber en lambeaux, mais c'était plutôt robuste. T'as certainement raison, mais l'intelligence voudrait que on laisse la chance, on teste, en fait, quand on fait un choix entre non il rigole, mais quand on fait un choix entre une solution A et une solution B, on s'attend pas forcément à avoir la réponse avant de commencer. Il faut se donner des retours, il faut avoir des inputs, il faut avoir un retour d'expérience, il faut quelque chose. Donc, soit on le trouve dans la documentation, soit on se repose sur des expériences de ses utilisateurs ou de ses employés ou de ses collaborateurs, soit on prend des freelances qui nous apportent une expérience externe qu'on n'a pas. Mais en général, moi, soit t'expérimentes justement. Soit t'expérimentes. Tu fais le choix B. Tu prends un use case, tu fais les deux, tu tires la conclusion en te disant, ok, celui-ci c'est pas pratique, celui-ci il y a plus de risques, celui-ci. Voilà. Enfin, t'essayes d'avoir ce retour-là. C'est la démarche scientifique. Faut pas avoir peur d'échouer, quoi. Exactement. C'est une démarche intelligente. Et mais moi, ce que j'ai observé en live, dans différentes boîtes, hein, on s'attend à avoir la réponse avant même de commencer, et c'est ça que je trouve aberrant. La phase de planification, en fait, tu planifies avant de faire. C'est ça, tu planifies avant de faire, ensuite tu fais, voilà. Et on se met des contraintes dès le départ, quoi. Le cycle en V, c'est ça. Énorme. Et en fait, une espèce d'over-engineering, tu essayes de penser la solution de bout en bout avant même d'avoir commencé. Et on rejoint le débat de multi-tenant. Mais tu vois, ça reste. Moi, je trouve que ça reste très en écho avec ce que disait Jérôme sur le. On veut tout optimiser parce que déjà ça, dans l'esprit des gens qui managent, te laisser partir sur deux solutions parallèles qui ont en fait grosso modo le même but, pour eux c'est une perte de temps et de personnes qui doivent bosser. J'ai un super exemple en fait, juste pour finir sur ce débat là. Alors là c'est parce qu'en fait c'est un sujet qui me plaît et ça a complètement rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. La NASA, donc, qui avait mis tous ses œufs dans le même panier pour faire la navette spatiale, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était une grosse merde, ça a coûté un fric fou, etc. C'était pas une grosse merde. Non, c'est pas une grosse merde, mais ça a été de l'over-engineering de bout en bout et avec des problèmes de presta, etc., etc. Mais en gros, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, ils ont arrêté la Saturn V, ils ont tout arrêté, tout ce qui marchait bien. Là, à l'heure actuelle, ils sont pas en train de refaire la même erreur, c'est-à-dire que quand ils ont voulu choisir une capsule pour retourner dans l'ISS, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des contracteurs privés. Il y a eu cinq personnes qui ont répondu. Ils ont filé du fric aux cinq pour continuer les développements. Puis après, ils ont choisi plus que deux, et c'est comme ça que maintenant, donc, on a la navette Dragon Crew qui est en train de partir. Et en même temps, ils continuent de donner du fric à Boeing. Oui, mais Boeing a aussi une navette. Le but du jeu, c'est d'en avoir deux en production. Exactement. S'il y en a une qui tombe, ils ont toujours un accès à l'espace. Exactement. Mais donc, ils ne se disent pas, on en a une qui marche, on va garder celle-ci. Si ils se disent tout là maintenant qu'ils ont fait l'erreur une fois avec la navette spatiale, bah là ils se disent que du multi-tenant pour l'accès à l'espace, c'est plutôt pas mal. On pourrait troller en disant oui, mais bon, on met tous nos œufs dans le Kubernetes, pourquoi on ferait pas du Kubernetes et du Mesos? Ça marcherait. Ah ouais, très bien. Ouais, moi ça. Pourquoi mais pas. C'est très bien de faire du nomade, faire des choses comme ça. C'est vraiment très bien. Mais tu sais, à une époque sur Cube, on avait aussi l'autre débat sur comment on spawnait. Tu sais, je sais pas, avant qu'on ait les solutions comme Rancher, on avait des fois une topologie où on a testé, genre j'utilise tel orchestrateur pour spawner les cubelettes avec un premier défaut qui me permettait au moins de scaler, on va dire, les workers, et ensuite par-dessus j'utilisais la richesse de l'API serveur pour spawner mes services. Tu vois, genre il y a plein d'exemples. Ou regarde, autre exemple. Tellement concret. CircleCI, je crois que c'est eux, ouais. Ils utilisent Nomad, ouais, c'est ça, pour spawner les jobs de CI, et Nomad est déployé dans du cube, ou inversement. Enfin, il y a un truc comme ça, où ils utilisent un premier orchestrateur pour déployer leur socle, parce que c'est ce qui leur convient, parce que ils ont un cluster de 10 nœuds, et par exemple, avec du Swarm, ça marche bien, et puis par-dessus, le cube permet plus de souplesse pour la partie applicative. Je crois que c'est exactement ce que fait Mesos aussi. Avec, je suis pas sûr, hein, mais je crois DCOS. Oui, DCOS, excusez-moi. C'est ça. Avec du Kubernetes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Kubernetes framework. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un Kubernetes entièrement containerisé. Il communique plus que là-dessus. On regarde leur dernier blog post, c'est assez flagrant. Alors, on a une question là-dessus, justement, donc sur la gestion de comment Rancher gère le multi-tenant. C'est est-ce qu'on peut faire du déploiement multi-agrégat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut choisir où est-ce qu'on met une application, etc. Est-ce qu'on a une sorte de fédération? Est-ce que Rancher nous permet la fédération de ces clusters? Ou alors, est-ce que quand on fait un appel, c'est systématiquement sur un cluster dédié? Bon, j'ai la réponse. Bon, je réponds. Bah, vas-y. Alors, en gros, non, on n'a aucune gestion de fédération. Alors, je vais. Enfin, il y a presque pas de gestion de fédération. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une gestion multiple d'un cluster en particulier. Ça gère vraiment l'accès. Ce que va faire que Rancher, c'est par contre, il va fédérer l'usage en fait. C'est-à-dire que les users sont les mêmes, quels que soient les clusters. Donc, on a une gestion de la politique d'accès. L'audit et la sécurité, c'est. Voilà. Ça, on a quelque chose de fédéré. Vous pouvez le lier même à votre Azure AD avec votre l'authentification GitHub ou quoi que ce soit, et donc dire toute l'organisation Intel, elle a le droit de se connecter et c'est la seule. Et donc comme ça, on profite de l'authentification GitHub, par exemple. Mais on n'a pas cette notion d'application qu'on va mettre à un endroit ou à un autre. Par contre, on a une notion de catalogue. C'était un peu ce qu'on disait dans Rancher 1. Maintenant, dans Rancher 2, on a la notion de catalogue. C'est-à-dire que si jamais vous avez une charte Helm de disponible que vous avez mis sur un Helm Museum, c'est ça? Un chart museum. Un chart museum. et ben en fait vous pouvez très bien la rendre accessible pour tous les autres. Donc c'est-à-dire qu'en un clic, en fait, vous avez un endroit où vous avez un catalogue app et puis les gens peuvent choisir. Mais vraiment, c'est comme au marché, hein. On choisit, on a un petit descriptif, on a un joli petit logo et puis hop, on décide de le déployer sur son cluster. Après, on a quelque chose qui ressemble à de la fédération, et c'est d'ailleurs ça qu'on est en train d'utiliser, qui est dans la version 2.2, qui est le multi-cluster app. C'est-à-dire qu'en fait, on a une charte Helm définie avec des paramètres par défaut, et après, on décide de le déployer dans plusieurs clusters à la fois. L'avantage, c'est que si on update des paramètres sur cette app-là, elle est automatiquement déployée dans tous les clusters. Donc en fait, on a cette pseudo-gestion de fédération. Mais il faut pas du tout voir ça comme ni la fédération V1 ni la fédération V2. Il n'y a pas cette notion de « je déploie mon application dans une zone Intel ou dans un cluster Intel, etc. » ça, il n'y a pas du tout cette gestion-là. Par contre, vous pouvez très bien rajouter la fédération au-dessus de clusters que Rancher va manager. Mais c'est pas intégré par défaut. Il n'y a pas cette notion-là, il n'y a pas cette notion de fédération. Il y en a vraiment juste la notion de fédération d'accès et de fédération de monitoring, de fédération de logging, des choses comme ça. On continue à accéder à un cluster et là, l'unité, c'est le cluster. Voilà, l'unité, c'est... Alors, on a l'unité de cluster. Ils ont rajouté, par contre, un petit truc entre les deux. Ils ont rajouté le projet. Donc, en fait, dans Kubernetes de base, on a quoi ? On a le cluster et le namespace. C'est à peu près les deux seules isolations qu'on a. Dans Rancher, ils rajoutent la notion d'isolation par projet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à l'intérieur d'un cluster, on a plusieurs projets et au sein d'un projet, on a plusieurs namespaces. Voilà, donc en fait, ça peut vous permettre, par exemple, si vous avez un projet d'une application X, que vous ayez un environnement X-prod, X-dev, X-build, par exemple, enfin des namespaces, et donc au sein du projet X, vous avez donc trois namespaces. Et donc tout cela vont être gérés au sein d'un projet, et au sein d'un projet, vous pouvez même donner des droits par utilisateur au sein d'un projet. Donc c'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir des utilisateurs qui n'ont le droit que de faire des get dans un namespace précis, mais on n'a pas le droit de faire un get nodes sur tout le cluster. Ils n'ont vraiment accès que au namespace du projet dans lequel ils ont été rajoutés. Donc voilà, donc ça leur permet, donc vous pouvez donner ça par exemple à un développeur, les droits sur son projet, mais au final son cluster qui est plus ou moins mutualisé, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs projets au sein du même cluster, mais lui n'aura les droits que sur son projet dédié. Voilà un peu l'isolation qu'on peut avoir dans Rancher 2 à l'heure actuelle. Et du coup, ça réplique tout ça entre deux clusters ? Non, du tout. Il y a aucune l'unité, ça reste le cluster. L'unité, ça reste D'accord. Le cluster. Au sein d'un cluster, vous avez un projet. Et donc notamment c'est mais après par contre au sein d'un de avec la nouvelle unité enfin avec le nouveau composant qui est donc le multi-cluster app, vous pouvez rajouter une application dans deux projets qui sont pas dans le même cluster. D'accord. Et par contre les valeurs les paramètres de cette Helm chart parce qu'au final c'est vraiment que des Helm charts vont être les mêmes sur les deux. Donc ce que ça peut vous permettre par exemple c'est de dire sur tous mes clusters j'ai envie de déployer un monitoring précis à moi ou de déployer un composant de sécurité ou un composant whatever. Le but c'est vraiment que vous puissiez avoir cette multi-cluster app que vous allez installer sur tous les clusters que vous gérez potentiellement. Donc c'est ça un peu le contexte. Donc là, je pense qu'on est allé très loin dans Rancher 2. Il y a encore plein de choses dont on parle pas. C'est que Rancher, c'est aussi une API. Donc on a parlé tout à l'heure un peu des CRD et donc des objets intérieurs de Kubernetes que Rancher déploie. Mais vous avez aussi une API REST que vous pouvez aller requêter pour aller faire tous les appels. Et donc potentiellement, vous pouvez créer un nouveau cluster juste avec un call API, avec les bons paramètres, avec vos AWS credentials, vos Azure credentials, ou vos etc., etc. Vous avez vraiment cette possibilité-là. Et enfin, vous avez une autre possibilité de quelque chose, c'est que Rancher a aussi la possibilité de déployer à son propre déploiement de cluster. Et donc là-dessus, on va laisser un peu Xavier parler de RKE. Qui va décrocher de son Mac. Et voilà. Allez, vas-y. Donc, de RKE devant moi. Ah. Alors, à l'époque où justement spawner un cluster cube n'était pas encore forcément chose évidente et il n'y avait pas une solution qui prenait le pas sur les autres, il y avait KubeADM qui commençait à être un peu, qui est désormais la solution sponsorisée par l'environnement Kube avec la cluster API. Mais avant, il y avait un peu de KubeADM, il y avait des choses avec de l'Ansible ou whatever autre Kubinit, chose. Kubinit, il y avait plein de trucs. Il y avait Cubespray, ouais. Ouais, Cubespray qui est un wrapping autour d'Ansible. Oui. Mais il y avait aussi BootCube qui était une autre approche faite par Cores, enfin bref. Et à ce moment-là a émergé RKE. Alors, RKE à l'usage, qu'est-ce que c'est ? C'est un binaire en Go qui est encore une fois vachement bien fait en termes d'approche et expérience utilisateur. puisque du coup vous pouvez le télécharger sur votre plateforme. Vous pouvez du coup générer la configuration de votre cluster avec RKE config. Ça, c'est il y a un mode interactif où il te demande où il t'est prompté pour ajouter des informations, pour ensuite avoir la définition de ton cluster. Et au final, une fois qu'on a ce YAML, on se rend compte que maintenant, c'est le cluster API de Cube, et on est très très proche, parce que ça te définit le nombre de nœuds que tu veux, les services que tu veux affecter à chaque nœud, genre ETCD, API, Worker. Les rôles, ouais. Ouais, les différents rôles, Scheduler, Cube Controller, Cube API, tout ce que tu veux. Alors, le petit trick, c'est que derrière ce binaire RKE, il va se connecter en SSH sur tes différents nœuds. Donc c'est assez pratique quand par exemple tu veux commencer avec des instances EC2 ou ce que tu veux, classique, ou quand t'es dans un DC un peu plus, comment dire, à l'ancienne, où t'as accès que à SSH. Alors beaucoup vont dire ok, super, mais moi j'ai déjà de l'Ansible et je peux faire plein de trucs. Ouais, c'est pas faux. Par contre, là où RKE est super intelligent et du coup bénéficie vraiment de toute cette approche en Go avec des petits utilitaires qui font très bien leur job et qui font juste ça, c'est que tu peux très bien te dire ouais, moi mon entreprise elle a déjà une flotte de playbook Ansible et on utilise que ça pour manager le déploiement des applications. Tu peux dire ça. Par contre, après tu peux aussi dire moi je préfère utiliser RKE pour gérer juste les clusters Cube, et comme ça j'ai un écosystème qui est pertinent et relevant et qui se tient. Donc en soi, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est un petit mélange de Ansible avec du SSH, mais avec derrière un YAML qui te définit juste ton cluster de manière très déclaratif. Donc en soi, un très très bon outil. Derrière, il a vraiment du support pour pas mal de plugins, pour les différents networks. Je sais plus où est-ce qu'il était au début, il te proposait le Flannel, le Calico, le Canal, tout ce que tu voulais. D'accord. Moi si je veux demain si je veux l'utiliser, c'est quoi les prérequis? Genre, j'ai 3 machines physiques ou 15 machines physiques, je veux déployer un cluster en disant RKE, bah, j'ai besoin de quoi? La limitation, en fait, de RKE par rapport à d'autres trucs, c'est qu'il est beaucoup plus, comment dire, t'as pas de dynamisme dans l'affaire. Tu peux pas dire, je vais avoir un cluster qui va auto-scaler. Ou alors, faut commencer déjà à mettre un peu de glue autour de RKE. Parce que l'idée dans RKE, c'est que dans ton cluster YAML, t'as vraiment la définition de chaque nœud. D'accord. Donc, si tu veux commencer, par exemple, avec un cluster qui est relativement statique, genre tu sais que ta flotte elle est de 10 nœuds et grosso modo elle va pas augmenter sauf capacity planning très largement prévisible, c'est super parce que en 5 minutes ton truc il est fait quoi. Pourtant il gère aussi la notion d'upgrade où dans ton cluster YAML tu commences, t'as par exemple dit je fonctionne avec cube 1.10, je vais passer à la version 1.13, tu updates le YAML, tu rejoues un RKE up. Et lui, te fait toute la politique de comment je vais upgrader un par un. D'accord. Les nœuds. En revanche, le scaling, c'est moins géré nativement. Tu peux, mais du coup, tu rajoutes un bloc. Voilà un node avec telle adresse, tel port, telle adresse. Il n'y a pas d'auto-scaling. Voilà, il n'y a pas d'auto-scaling. Ah, ok. Tu peux, comme je t'ai dit, si tu fais du capacity planning et que tu te dis dans 3 mois ou dans 1 mois, là tout de suite, mon cluster va devoir passer de 10 à 13 nœuds ou de 10 à 20 nœuds, tu peux le faire. Mais ce n'est pas du dynamique. Parce que ça reste encore le côté impératif de l'opérateur depuis son poste qui run sa commande. Parce que d'ailleurs, ça fait des SSH, quoi. Je comprends tout à fait. Mais justement, la barrière et l'approche, elle est vachement réduite. Parce que t'as pas forcément à avoir de l'Ansible. Par exemple, là où ça pourrait pas marcher, l'Ansible, et où ça a toujours été un peu tordu avec Kubeprès, c'est quand t'as des nœuds sur du Rancher OS ou du Core OS, qui eux ont pas d'interpréteur Python. Donc tu commences déjà à faire des trucs un peu sales pour rajouter ton Python pour que les Ansible puissent fonctionner. Parce que là, c'est un Go qui va direct en SSH et qui fait tout son petit, toute sa toutouille. Donc, c'est vraiment l'approche, elle est c'est trivial, quoi, l'usage de RKE. Petite question, tu parlais dans le cluster YAML, tu peux changer la version de Cube. Ouais. Tu peux t'en servir pour upgrader un cluster qui tourne, ou il vaut mieux qu'il n'y ait rien qui tourne dedans pour... Tu peux faire tourner, mais après, c'est comme tout, il est conseillé que ton orchestrateur puisse faire du drain un peu propre, mais sinon il le fait, ouais. Il marque le cluster pour drain et tu peux te plugger avec du curd ou ce genre de choses. Curd, c'est un démon qui permet, qui était fait par Weaveworks. On en parle là au prochain podcast. Ok, désolé. Donc juste, c'est un démon fait par Weaveworks. Super. Et donc, enfin, juste pour rajouter un peu, donc, enfin, j'ai rien à rajouter avec RKE, mais un truc à noter dans Rancher 2.0, en tout cas, je sais pas avant, etc. Et c'est qu'on a un moyen d'installer des clusters juste via des Docker run. Donc en fait, on a un moyen donc de dire je veux un cluster, je labellise des nodes, donc je dis le prochain node que je veux installer, ça va être un node que etcd. Et on fait entrer, et ça nous donne une longue digue de commande Docker run. On exécute ça sur la machine, et bim, on a un nœud qui vient de rejoindre notre cluster pour etcd. On dit, ah bah tiens, je veux un autre nœud qui va être master et etcd. Hop, on clique deux trucs, on fait entrer, ça nous donne une nouvelle commande Docker run. Et enfin, je veux des nœuds worker. Alors là, hop, je coche que worker, je fais apply, et hop, ça me donne une nouvelle commande Docker run que je vais exécuter sur un autre nœud. Et en fait, comme ça, je peux créer un cluster, mais genre... ultra facilement avec trois commandes Docker run si j'en ai envie. Ah mais RKE en fait il fait ça under the hood. Voilà. Parce que quand tu définis à un moment donné, quand tu définis les services genre Kube API ou etcd ou ce que tu veux, en fait tu donnes le nom de l'image et eux c'est des images avec un dash rancher au bout où ils ont customisé l'image qui va bien pour cet usage là quoi. Ouais, donc sans doute, en fait, dans le Rancher UI, il y a RKE under the hood. Pour gérer les clusters un peu plus, comme on dit, au main ou traditionnel par rapport à EKS ou des trucs plus managés. Ouais, c'est ce qu'il fait, ouais, exactement. C'est bundle. Donc voilà, donc en fait vous l'avez directement via l'UI potentiellement. Si jamais vous avez des machines dont vous savez pas quoi foutre, mais vous savez juste que vous avez pas envie de les réinstaller, et ben voilà, vous pouvez très bien l'utiliser pour joindre un cluster Kubernetes à la volée. Et ça c'est plutôt bien foutu pour le coup, et ça marche plutôt bien. Je vais faire une toute petite parenthèse. T'as parlé de la dans ton introduction, t'as parlé de la cluster API. Et pour moi, la cluster API, la dernière fois que j'ai regardé, c'était que un projet, quoi. C'était de la documentation. D'accord. Donc, elle est bien pas en production et ça reste. Non, elle est pas encore. Par contre, KubeADM et ce genre de choses sont passées en bêta maintenant. Ouais. Et ils bossent justement là-dessus. Mais même la structure du YAML ressemble beaucoup à ce qui existe celle déjà. Commencé à être mis en place par. Bon, en fait, tout le monde a eu à peu près les mêmes besoins. En fait, enfin, je sais qu'il y a 2 ans et demi, quand je bossais sur justement mon opérateur qui installait Kubernetes, j'ai eu le problème, quoi. Et je me suis mis à commencer à créer des librairies Go pour le faire. Et en fait, tu sens très vite que tu as ce besoin-là quand tu commences à installer Kubernetes. Les paramètres, c'est toujours les mêmes. Les besoins, c'est toujours les mêmes. C'est installer des nœuds, c'est installer avec des nœuds, avec des paramètres. Et donc, en fait, au final, là, tout le monde s'est dit, bon, bah, en fait, la librairie KubeADM, elle est super cool. Et si ça devenait un standard que les autres pourront utiliser comme description d'un cluster, en fait, et c'est vraiment, vraiment bien. Enfin. Et ça a vraiment progressé, surtout. KubeADM, ça a vraiment progressé, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc, c'est, on vous dit pas ni d'utiliser RKE, ni d'utiliser forcément KubeADM. Trouvez la juste solution pour vous. Alors. C'est qu'il n'y a pas un outil qui est mieux que tout le monde. Mais alors, chaque besoin, son outil. Voilà, mais le premier qui me sort un Terraform, par contre, il sort. Et puis surtout, l'objectif est le même. Chef. On peut dire que l'objectif est le même. L'objectif, c'est de déployer un Kubernetes vanilla, quoi, quasiment. Oui, voilà, une fois qu'on a un Kubernetes. Peu importe l'installeur. Hein. Voilà. Donc, mais essayer de trouver une solution propre, quoi. Hein, oui. Une solution qui marche, quoi. Enfin, ouais. À la limite, le Terraform, c'est si tu veux, en gros, automatiser le spawning de tes instances. Après, tu utilises RKE. C'était du troll. Ouais, bah, ça marche. Ah. Ouais, presque troll. Alors, et après, dans la sphère de Rancher, alors là, on pourrait se dire, bah, c'est bon, on a un peu tout touché à Rancher entre l'UI qui nous permet de gérer plein de clusters et le logiciel pour les installer. On a encore d'autres projets under the hood. Et là, on va en parler d'un qui est alors complètement transverse. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, mais tu vas pouvoir nous en parler, Jérôme. Longhorn. Donc voilà, c'est Longhorn. Ça, le but de Longhorn, c'est de fournir du stockage distribué fait pour les conteneurs et pour les déploiements en cloud. Leur volonté en faisant Longhorn, c'est simplifier les choses. Donc leur idée de base, c'est un volume, un contrôleur égale un volume. Et ce que ça apporte, c'est quelque chose qui n'est pas natif dans Kube, enfin en tout cas j'avais pas vu, c'est des fonctions de réplication de volume et les fonctions de snapshot, notamment les incrémentales, qui sont manquantes et qui peuvent être des besoins métiers. Étant donné que je viens moi du monde du stockage, c'est des fonctions qui me semblent un peu basiques, mais qui n'étaient pas disponibles du coup sur Kube nativement. Par contre, c'est encore au début. J'ai vu qu'ils avaient commencé le projet en 2016 et là, ça a repris en 2019. Enfin, ils ont sorti vraiment la feature en 2019. Ça reste assez simple par rapport à une vision de quelqu'un comme moi qui faisait du stockage. J'ai fait 7 ans de stockage, hein, quand même. 7-8 ans même. Donc il n'y a pas de fonction de dedupe, il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'auto-tiering. C'est des fonctions qui sont natives dans les. Ben, je faisais du SAN, donc c'est natif dans le SAN. On peut pas faire de stripping non plus. Longhorn, il supporte qu'une seule chose. Ce que j'ai vu, c'est Open iSCSI. Et donc, il supporte pas tout ce qui est CF, Gluster, ou du DFS distribué, ou du stockage unifié. Et donc, en fait, là pour simplifier, c'est en fait Longhorn, ça va me permettre d'avoir des PV stockés dans mon Kubernetes, en fait. C'est à peu près ça, des persistent volumes dans mon Kubernetes. C'est ça. C'est que t'attaches tes volumes à tes hosts et un contrôleur va gérer un volume donné. Et après, il va s'occuper de, bah, si tu lui demandes, de gérer la réplication, de gérer les snapshots. Il sait les planifier. Il sait récupérer des réplicas qui seraient cassés ou s'il a un problème avec son stockage de snapshots, pouvoir restaurer ses snapshots. Le mécanisme des snapshots, c'était pas trop approfondi, donc j'ai pas trop creusé dessus. Mais l'idée, c'est qu'il snapshot sur du NAS ou sur du S3. Et donc, c'est vrai, c'est de l'externe, là où les volumes, eux, sont hébergés sur les nodes. Et les nodes sont installées dans le cube, dans le cluster cube. Oui, c'est les nodes du cube. D'accord. Peut utiliser soit des nodes conventionnelles, donc des workers, ouais. Soit avoir des workers dédiés au stockage avec les volumes qui vont être que sur ces nodes-là. Enfin, ton stockage va être disponible que sur ces nodes-là. Et en fait, si jamais mon pod migre sur un nouveau nœud, comment il va gérer justement comment je vais pouvoir accéder à ma donnée sur un nœud, par exemple, qui est tombé ? Alors, le Longhorn, il fonctionne de la manière suivante, c'est qu'il a un Longhorn Manager qui est un daemon set, donc il est présent sur tous les nœuds du cluster. Et il fournit une API qui permet après de gérer. Il y a une UI Longhorn pour un peu gérer les choses. Et après, il va discuter avec des flex volumes, un plugin flex volume par exemple pour Kubernetes ou un plugin Docker volume pour Swarm. Donc ce Longhorn Manager va s'occuper de créer les contrôleurs des volumes et des contrôleurs des réplicas et il va du coup orchestrer tout ce qui est réplication de ces volumes. Donc c'est un schéma master réplica, en fait. À chaque fois qu'on va faire une demande d'un volume qu'un conteneur va demander ou qu'un déploiement va demander un volume, il va créer le volume. Et il va être dédié à un master et il y aura un réplica qui va répliquer de manière plus ou moins synchrone, on l'imagine, ce volume-là. Donc on n'est pas sur un... Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, tu vas confirmer ou infirmer. On n'est pas sur un schéma de distribution à la CEF ou d'autres solutions de stockage distribué. Alors, de ce que j'en ai compris, en gros, tu vas avoir ton worker sur lequel tu as ton volume. Et les réplicas qui vont être liés à ce volume vont être sur d'autres nodes. Donc tu peux distribuer un peu ton risque parce que tes réplicas vont nécessairement pas être là. D'accord. Et du coup, il distribue son stockage sur plusieurs nodes. Et ça permet aussi que si ta node avec ton volume principal elle tombe, ouais. Il est capable de récupérer ton volume à partir des réplicas qu'il a ailleurs. Ouais, mais il y a une réplica. Enfin, les réplicas sont pas dispatchés sur plusieurs nodes. Si. Enfin, si. Pour, si. Ah ok, d'accord. Si si. En fait les. Sinon, si ton node y tombe, t'as perdu quoi. Enfin... Oui, si ton réplica tombe, il va créer un nouveau réplica. Enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il est perdu, il est perdu. Comment tu vas récupérer si jamais il l'avait pas mis ailleurs ? Tu pourrais y avoir. Plusieurs réplicas sur plusieurs nodes. Il a un mécanisme pour recréer des réplicas qui seraient non LC. En fait. D'accord, ok. Donc son fonctionnement, c'est qu'il crée trois CDR, un réplica contrôleur, un engine contrôleur et un volume contrôleur. Et ils ont chacun leur rôle. Donc le réplica contrôleur, il va s'assurer que les réplicas sont viables. L'engine contrôleur, enfin Longhorn Engine, il va surveiller l'état et c'est lui qui va demander un réplica. Et le volume contrôleur, c'est lui qui va gérer tout le cycle de vie de ton volume. Donc il va spawner en gros les réplicas contrôleurs et les engine contrôleurs pour gérer tous ces volumes, les attacher, les détacher et faire tout ce qui est clean up une fois que t'en as plus besoin. Et donc ça, on peut bien l'utiliser donc à côté du workload qu'on a habituellement. Par exemple, est-ce qu'il va faire de la colocation, c'est-à-dire si jamais j'ai un pote qui tourne à un endroit, il va privilégier de mettre le réplica sur la machine sur laquelle il est pour éviter le trafic réseau, par exemple. De ce que j'ai compris, c'est qu'au contraire, le volume va être sur cette machine-là, mais les réplicas vont être. Oui, ailleurs. C'est ça. Mais on aura l'endroit où mon nœud local va faire ses writes, ses reads, ça va déjà être fait en privilégié sur le nœud dans local. Dans le cadre où tu utilises les volumes de tes workers et pas des workers dédiés à ton stockage. Ouais, voilà. Et donc, en fait, en gros, ça doit permettre normalement donc une sorte de colocalisation et du storage au sein d'un même cluster parce que j'achète des machines avec déjà des disques durs autant que je les utilise. C'est un peu ça le concept. Ça. Et il fait nativement de la réplication synchrone. Donc, je vais pas creuser plus que ça, mais je pense qu'il doit avoir des contraintes en termes de temps de réponse au niveau réseau entre les nodes. Ouais. Donc, faut quand même faire gaffe si jamais on met du network intensive application à côté du storage, ça peut potentiellement se marcher un peu dessus, si jamais je comprends bien. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai regardé récemment les volumes locaux, donc les locales persisted volume de Kubernetes, et c'est vrai que ça impose des contraintes, notamment des contraintes de scheduling, des contraintes de plein de choses, et avoir cette flexibilité-là de se dire j'ai un volume réseau, enfin j'ai un volume distant, j'ai un volume network, mais il est favorisé, enfin en tout cas si c'est possible, en fait ce volume network, il est sur ma machine locale sans que je le sache, donc j'ai des performances plutôt bonnes au maximum, enfin en best effort, c'est super sympa comme feature. Ça ressemble, je crois, un peu à Portworks, qui marche un peu comme ça, qui est une solution qui est pas du tout open source, à mes souvenirs. Mais de ce que j'avais vu comme présentation, ça doit ressembler à ça. Alors après, je suis une bille dans ce genre storage. De truc-là, donc c'est pas moi qu'il faut demander ça. Enfin, non, je connais très bien Ceph. Mais voilà, à part Ceph, j'y bite rien. Et je crois que ça ressemble un peu à ça, le comportement de Portworks, de base. Mais voilà. De rapprocher la donnée du traitement. Exactement. Mais de garder la notion de réplica parce que t'as pas envie de perdre tes données. Enfin, potentiellement, t'as pas envie de perdre tes données. Ouais, c'est à regarder de plus près. J'avoue, j'ai pas regardé du tout. Oh, j'ai une question trop lolo. Est-ce que quelqu'un se souvient de Taurus de CoreOS? Ah oui, c'est vrai. Il y avait ça qui devait normalement servir. Alors, ça a popé en 2016. Et février 2007, ils ont arrêté le développement parce qu'il n'y a pas eu de communauté autour. Mais c'était à peu près le même jeu. C'était, en gros, ils ont voulu faire du storage au-dessus de Cube. Pour exploiter toutes ces primitives. Oui, c'est vrai. Donc le repo est toujours dispo sur GitHub CoreOS Taurus. Mais bon, ça n'a plus bougé depuis 2 ans. Quoi. En termes de storage, au niveau de la gestion des images, je ne sais plus récemment qui a sorti un espèce de gestion d'images en peer-to-peer. C'est Alibaba. C'est Alibaba, oui. Ah non. Les Chinois. Non, oui, mais ils sont trop bien. Tu parles de ça ou tu parles de Uber qui avait sorti leur registry en peer-to-peer? Je crois que c'est Uber récemment, les deux, trois dernières semaines. Ça s'appelle Kraken. Voilà, c'est Kraken de chez Uber. Mais c'était pas le projet que j'avais dit. Attends. Ah non, je l'avais fait. Avant, il y a quelques années, il y a 2 ans. Peer-to-peer Docker registry. Les Chinois de chez Alibaba ou de. Je crois, ou d'autres grosses boîtes Amazon-like en Chine qui avaient sorti un truc en peer-to-peer pour gérer. C'est le Docker registry en peer-to-peer, ouais. Kraken. Moi, je l'avais proposé chez VP en. Et c'est vrai que ça rejoint un peu cette idée d'utiliser en fait le storage des nœuds pour en faire quelque chose et pas forcément de faire des single POF, des SPOF au niveau de la registrie locale, mais là, c'est étendu au niveau des volumes réseau, tout simplement. Non, mais surtout la registrie, en fait, ce qui est très con, c'est que tes images, tu les as dans ton Docker, varlib Docker. Enfin, en gros, tu les as dans tes images à l'intérieur. Tu l'as dans le cache local, quoi. Tu l'as dans le cache local, et donc potentiellement, tu pourrais aller le partager aux autres plutôt que d'aller tout le temps retélécharger sur la registrie. Et ça fait longtemps que je voulais faire ça. Enfin, j'avais proposé ça chez VP comme projet. Il y a eu plusieurs projets, et c'est vrai que là, le dernier, ça m'a rappelé ça, le dernier qui est sorti, Kraken, chez Uber. Ok, cool, faudra tester ça. On essaiera. Si jamais quelqu'un a des feedbacks dessus, allez-y. Hein. Enfin, pourrait nous dire dans un prochain dans Don Cube. Ouais, venez en parler si vous l'utilisez. Ouais, c'est ou même si juste vous l'avez testé et que vous voulez en faire profiter les autres. Pour conclure sur Longhorn, désolé. Ce que je vois comme apport, au-delà de d'avoir des fonctions un peu plus avancées au niveau stockage, typiquement les réplicas et les snapshots qui sont programmables. Je pense que ça peut apporter également une couche un peu plus importante au niveau monitoring. Parce que je trouvais que c'était un manque de cube, c'est-à-dire que on peut pas surveiller. Enfin, je vais pas. Peut-être c'est possible, mais je l'ai pas vu. Le remplissage d'un volume dans cube, c'est-à-dire que récupérer les données de remplissage d'un volume, c'est un peu compliqué. Donc je faut que je creuse sur Longhorn, mais si ça sait faire ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Et alors un dernier point que tu m'avais dit avant qu'on commence le podcast. C'est que, enfin, tu as confirmé ou pas, si peut-être que j'ai pas très bien compris. Hein, il y avait du bruit, on était dehors. Il y avait de la bière. C'est que c'est compatible uniquement sur les déploiements Rancher. C'est qu'on peut pas utiliser Longhorn si on n'utilise pas Rancher. Si, c'est standalone. C'est standalone. C'est standalone. Ouais. Ok. Bah, d'accord. J'avais pas très bien compris. Parce que tu m'as dit il y a une API spéciale, c'est pas. Ouais. Bah, il déploie son API en fait, qui est le Longhorn Manager. Il va le déployer en daemon set. Donc, il me semble que tu peux le déployer sur n'importe quel cluster. D'accord. Ouais. Okay. Ça me semble logique, mais j'avais pas très bien compris. Donc, on peut utiliser Longhorn même si on n'utilise pas Rancher pour déployer son cluster. Très bien. Ok. Un autre projet, là, pour le coup, on va revenir sur un projet un peu plus vieux. C'est notre ami Xavier qui va nous en parler, parce que je crois que tu y as un peu touché, à Rancher OS. Ouais, alors Rancher OS, je l'ai découvert quand il est arrivé en 2014. Et c'était un peu avec l'émergence de CoreOS, où ils avaient poussé... Alors, pour rappeler CoreOS, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution Linux basée grosso modo sur du Gentoo, mais qui en fait part du principe que il y a l'OS en lui-même, donc tout ce qui est nécessaire pour faire du SSH ou pour gérer l'interaction avec le hardware, qui doit être plus ou moins autonome, et qu'ensuite toutes tes applications, enfin il n'y a pas de package manager, toutes tes applications sont entièrement déployées via des conteneurs Docker. Donc leur concept à eux, c'est que c'était un OS avec deux partitions système en read-only, et quand tu faisais une upgrade, en fait tu upgradais tout l'OS d'un coup. Donc tous les binaires, et c'était fait des releases, ils étaient assez rapides. Pour information, c'est basé sur le système de Chrome OS, qui fait exactement ça sur les Chromebooks. Alors ça, c'est le système de d'update. Voilà, l'OMA, c'est le protocole qui est utilisé aussi par les Chrome pour se mettre à jour sur Mac et sur Windows. Ouais. Ça, c'est le petit démon qui vérifie s'il y a une mise à jour de disponible sur CoreOS et qui l'auto-installe. Ça, c'était ça, en fait, leur but. Mais du coup, la logique, c'était toujours un OS à peu près classique, avec des partitions qui se mettaient à jour, et le bootloader qui était configuré pour booter soit sur la partition A, soit sur la partition B, et qui était capable, en gros, de faire des rollbacks atomiques. Mais t'étais toujours sur une arborescence avec du système D un peu plus classique. Rancher, eux, ils ont pris un autre virage, une autre approche, où en fait, il y avait le kernel Linux, et ensuite, t'avais un premier Docker daemon, qu'ils appellent le système Docker, qui en fait est le process numéro 1, le PID1, l'init, qui d'ailleurs spawner tous les composants système, que ce soit UDEV, que ce soit SSHD, que ce soit whatever, en conteneur Docker. Et en plus, il spawnait un deuxième daemon, un Docker daemon, qui était le user Docker. Qu'en fait, c'était celui avec lequel toi, en tant qu'utilisateur de l'OS, interagissais. Le but du jeu, justement, c'était pas d'avoir un seul Docker pour éviter de plomber le système si tu faisais une mauvaise manip ou si tu surchargeais ton user Docker, et que, à l'époque, du Docker daemon qui était encore un gros binary qui faisait tout, papa, maman et tonton Jacques, ça arrivait qu'il plantait et ça te faisait tout. Ça te faisait le fetch, le build, le run, et quand tu devais mettre à jour, tu restartais ton daemon Docker et tu perdais tous tes conteneurs. Et curieusement, ça a pas vraiment décollé l'usage de cette chose. Mais encore une fois, pour rappeler, c'est parce que c'était l'époque où le Docker Daemon, c'était un gros et unique blob. Mais si vous voulez voir par la suite, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu l'arrivée de Linux Kit. Ça vous parle ? Oui. C'était en gros la tentative de Docker d'utiliser ce qu'ils appelaient les unikernels. Et en fait, ça se base exactement sur la même chose, c'est que tu as un grand YAML où tu dis voilà, mon init, je veux démarrer ce type de conteneur en tant que système, ce type de conteneur en tant qu'autre chose. Et derrière, tu buildais un OS entier comme ça. Et en gros, Rancher, c'était presque ça. Mais c'est énormément utilisé, en fait, LinuxKit, puisqu'en fait, c'est la VM qui tourne dans tous les Docker for Mac, Docker for Windows, etc. Oui. Donc, en fait, c'est eux qui utilisent leur truc. Pas obligé, mais en ce cas, eux, ils le font. Mais à la base, LinuxKit, ils avaient fait plein de trucs pour justement que tu puisses, en gros, shaper ton OS minimaliste si t'en avais besoin, aux petits oignons. Parce que derrière, tu avais tous les scripts qui te permettaient de générer le VM Linux, l'initRD et tout ce qu'il te fallait pour pouvoir le déployer, même à l'ancienne, sur du PXE. Et donc, à l'heure actuelle, parce que là, tu nous dis que ça n'a pas été très utilisé, est-ce qu'il y a encore des commits? Est-ce qu'il y a encore de la vie autour de cet OS ou pas? Bah, pas vraiment. Enfin, ils le maintiennent. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils le maintiennent, mais il n'y a plus vraiment de grosses. Il n'y a plus d'update, quoi. Il n'y a plus de grosses mises à jour. Ils maintiennent juste. D'accord, donc on va voir un peu comment ça va évoluer, mais sans doute que ça va en rester là et en utilisant... Ouais, mais je pense qu'ils sont partis maintenant plutôt sur LinuxKit, parce qu'en fait, Rancher sont les principaux contributeurs autres que Docker sur LinuxKit. Sachant que j'ai parlé au gars de Rancher aujourd'hui, j'aurais parlé de Talos, on en parlera peut-être un jour, mais c'est juste, cet OS est juste absolument génialissime. Ouais, Jean, adieu et c'est sage. Chut, ouais, chut. Bon, voilà. Regardez Merci. Talos de Autonomy. C'est Autonomy slash Talos avec sans H sur GitHub. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais donc voilà un peu donc dans la sphère Rancher. Donc là, on a vu quand même, on a parlé donc de Rancher 1, Rancher 2, qui sont deux choses complètement différentes puisqu'on est passé d'un orchestrateur à une UI devant des clusters. On a parlé de RKE qui permet de déployer. On a parlé de Longhorn qui fait le stockage. On a parlé de Rancher OS qui permet donc il y a un OS Linux, une distribution Linux pour installer. Il nous reste encore deux derniers projets. Enfin, il y en a encore d'autres, mais on va parler de deux derniers sujets. Un qui me tient un peu à cœur parce que c'est un projet que je suis depuis un petit moment, même avant que je crois qu'il soit dans la sphère Rancher, c'est K3S. Alors pourquoi K3S? Vous connaissez K8S pour Kubernetes, en gros K3S c'est parce que c'est plus petit. Ce que va vous permettre K3S, en fait, c'est un Kubernetes en single binary. Donc vous n'avez pas exactement toutes les fonctionnalités, il ne faut pas rêver, mais en gros, vous téléchargez un binary, vous faites K3S serveur, et puis vous avez un serveur. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une base de TCD, parce qu'en fait, il est capable d'utiliser une base SQLite. Donc c'est vraiment juste génial. Vous pouvez avoir un serveur très vite en une commande. Et après, si jamais vous voulez avoir un nœud qui rejoint le cluster, vous faites K3S agent, et puis après vous pouvez le faire rejoindre le cluster assez facilement aussi. Et vraiment, moi, ce que je rajouterais rapidos avant que tu finisses, ouais, c'est que le génie de Rancher là-dessus, c'est que leur parti pris, c'est de se dire bon, Kube c'est génial en tant que ultra méga API management, mais en vrai, tous les jours, il y a personne qui utilise les slash bêta, les slash alpha, les API alpha de Kube. Tu utilises les ingress? Oui. Bon, c'est alpha. C'est alpha l'ingress? Oui. Non. Mais c'est plus dans les trucs à activer à la main. Non. Voilà, c'est activé par défaut quand même. Non, c'est pas des feature gates. Voilà, les feature gates, il y en a quand même dans un sacré paquet. Et mais en gros, eux, ils ont pris le parti de dire tout ce qui est pas dans les API stables, ils les ont enlevés. Et c'est vraiment orienté, comme tu viens de le dire, avec la base SQLite, c'est quand même vachement orienté pour de l'IoT, quoi. Alors, c'est même encore plus de l'IoT, parce que là, on a parlé de l'agent, le serveur qui peut être avec une base SQLite, mais vous pouvez remettre une base de TCD. Mais surtout, l'agent, le binaire, est complètement single binary. Mais donc, ça veut dire, il n'y a même pas besoin de Docker. C'est-à-dire qu'il intègre le runner de conteneur au sein de son runner. Donc en fait, vous avez besoin de déployer un binaire, mais un seul et unique binaire, et vous avez un agent complet Kubernetes. Moi, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de touche à la Hashimoto dans cet outil-là, parce que c'est très consul, c'est très nomade, c'est très Terraform, tout le single binary. Le fait que tout soit dans une commande, le client, le serveur, moi, je vois la touche Hashimoto. Et c'est vrai, c'est possible que ce soit le cas là-dessus. Pas faux, mais même Kube, principalement, tu regardes même le RKE ou les autres, ils run tous avec la version Hyperkube où tous les binaires sont paquets en un seul énorme machin. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, non, enfin, mais donc là, K3S est vraiment super cool là-dessus, donc regardez-le pour de l'IoT ou des choses comme ça, sachant que là, même pour avoir un peu discuté avec eux, ils aimeraient bien faire faire un OS pour K3S potentiellement. Ça tourne pour de l'ARM, c'est vraiment sinon ça aurait été vraiment très con de pas l'avoir. Donc vous pouvez le foutre sur un Raspberry Pi. Voilà, si vous voulez avoir un cluster Kubernetes facile, bah utilisez K3S quoi, vraiment vous faites pas chier à installer un cube ouais. entier. Alors, entre Minikube, si je suis développeur, Minikube ou K3S Minikube. Non, ouais. Enfin, ça dépend sur quelle plateforme c'est. Si jamais tu es sur Ubuntu, utilise Micro K8S. Yet another. Yet another. Voilà, Micro K8S, si jamais vous n'avez pas regardé. Voilà. Si jamais vous êtes sur Ubuntu et que vous voulez travailler avec du Kubernetes, Micro K8S. Voilà, je glisse ça comme ça. Mais voilà, et sinon, et si t'es sur Mac, tu fais Docker for. Il présente la facture à la fin du podcast. Voilà, il vous dit ça comme ça. Si jamais t'es sur Mac, tu utilises Docker for Mac avec en activant le mode Kubernetes. Et si jamais t'es sur Windows, tu mets Docker for Windows en activant le mode Kubernetes. Mm. Donc en fait, je pense que voilà, on a trois plateformes et sur les trois plateformes, il y a trois solutions assez simples à utiliser. Je pense que c'est un peu ça. Mais non, K3S, c'est vraiment. En plus, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, il n'y a pas tout ce qui est activé. Vous n'aurez pas exactement le même comportement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas le même nom. On peut pas dire que un manifeste pour Kubernetes va marcher sur K3S. C'est à essayer, c'est à tester. Et une fois que c'est validé, par contre, ça marchera sur toutes les instances de K3S. Mais c'est pas exactement un Kubernetes. Faut pas le voir comme ça. Il y a des features en moins, il y a des choses en moins. Mais par contre, une fois que ça marche, vous avez vraiment quelque chose que vous pouvez déployer n'importe où. D'ailleurs, on a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il l'a installé cet après-midi. Et oui, ça gère, c'est beaucoup plus léger et ça ne gère, et load balancer est supporté par défaut. Et ben voilà, vous voyez, vous avez même une fonctionnalité load balancer activée dans K3S. Essayez-le, on n'est pas spécialisé là-dedans, sachant que c'est encore en version bien alpha, puisqu'on est en 0.2.0, un truc comme ça. C'est tout jeune, oui. On aime bien les trucs bien pas sec. Mais c'est sec si on l'utilise. Hein. Voilà, utilisez-le, trouvez les bugs et vous participerez à la stabilisation. C'est ça, c'est toi qui sèche. Et soit dit en passant, il est Kubernetes certified. Oui, c'est ça, exactement. Donc non, en fait, j'ai dit de la merde. Si jamais vous avez des deployments ou des choses comme ça qui marchaient sur une Kubernetes, il devrait marcher dessus. Alors, sachant que historiquement, K3S, en fait, le gars avait enlevé. Il y a quoi, 3 d'ailleurs. C'est 5 fois plus petit. C'est 8-5, je sais pas. La moitié d'un 8. Il y a un truc avec ouais, le chiffre 5, je crois. T'es sûr, c'est pas justement le 8, si jamais tu le coupes au milieu, ça fait un 3. Peut-être, ouais. Pourquoi c'est à moitié plus petit. Si vous trouvez, vous avez le droit à une chips. Ou alors un sticker rancher, parce qu'on a des stickers rancher. C'est vrai, en exclusivité. Un sticker. Ah, ouais, on a des stickers rancher. Il nous a caché ça jusqu'ici. Voilà, bah. Il voulait les garder pour lui. Je voulais que tu travailles bien. Juste un. Oh, ça... Ah si, c'est ça, hein. C'est 5 less than 8. 5 less, tiens, je veux mon sticker rancher. est-ce que tu peux rappeler juste en quoi c'est mieux dédié à l'IoT et comment tu pourrais, parce que je sais que t'as un peu bossé là-dessus, comment tu le mettrais à jour dans un environnement IoT? Genre, t'as une flotte de petits machins IoT que t'as déployé, ça tourne sur, t'as déployé tes petits K3S dedans. Comment tu fais ta putain de mise à jour? Avec un cube, c'était l'apply. Ah, non, okay, donc ils ont accès au réseau. Ok. Sinon, comment ils accèdent au serveur? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, mais non, là on parle d'IoT connecté. Hein, sinon, ça serait un peu compliqué si jamais c'était pas de l'IoT connecté. Non, okay. Oui, ça reste un truc distribué. Hein, ouais, un API connecté, serveur, des workers. C'est pas connecté par l'esprit des ondes. Comme ça. Enfin, après, à voir, est-ce que vraiment tu peux utiliser, par exemple, un service comme Sigfox ou un truc comme ça, un truc qui te fait du 1 kilobit par. Des microsats, voilà, des CubeSats. Personnellement, je pense pas que j'utiliserais pour ça. Il faut regarder le monitoring, ouais. Entre le K3S qui agent puisse s'activer d'une manière déclenchée par un système radio. Voilà, compliqué, j'irai pas jusque là. Je pense que quand même on est dans de l'IoT avec un bon gros connexion persistante. Oui, et puis surtout un processeur ARM ou un truc comme ça, on n'est pas sur des trucs MIPS tout petits, etc. Enfin, mais ça utilise Flanel et Containerd. Des réseaux de capteurs, voilà, à l'intérieur. Donc regardez ça. Voilà, on voulait un peu vous en parler pour que vous regardiez ce que c'est. Un truc très kikoulol, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est maintenant. Automatic manifest. Je pense que c'est bien. Bon, regardez. En plus, ils ont ce site, je l'avais même pas vu. Donc ils ont même K3S. fait un K3S.io. ils ont un joli site. Donc allez voir. Et alors, c'est après, le dernier projet, alors là, on est encore plus dans de l'alpha, parce que alors, le truc a été annoncé il y a quoi, 2 semaines, même pas C'est Bibi qui s'y colle. Allez, vas-y, parle-nous de... On va parler, alors j'ai dû ouvrir le truc. Ah oui, je voulais, alors voilà, il y a 4 jours, on m'a dit, tiens, faudrait que quelqu'un traite le sujet Submariner, donc qui a été annoncé par Rancher il y a quelques jours, on peut parler de semaines peut-être, mais pas beaucoup plus. J'ai fait OK, je me suis dit tiens, je vais le tester, et en fait non. Comme tous, on a de la prod à faire tourner, on a des migrations à faire, on est deux dans l'équipe et on doit On a du bash à patcher et on a du Ruby à faire tourner. Mais si jamais tu dois nous expliquer un peu ce que c'est. Voilà, donc c'est ce que je dois vous expliquer. Je dois vous expliquer qu'on a tout à l'heure, on a parlé de est-ce qu'on peut fédérer des clusters ensemble? Est-ce qu'on peut faire communiquer un cluster 1 avec un cluster 2? Et est-ce qu'on peut faire des déploiements qui peuvent être dispatchés sur plusieurs clusters? Bah, en fait, actuellement non, mais Submariner va permettre de se rapprocher un peu de ça et d'apporter des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. Alors comment ça va se passer? De manière vraiment big picturesque, je l'ai inventé, néologisme. Big picturesque, on va avoir 2 clusters qui vont communiquer au travers d'un tunnel IPsec. Voilà. En fait, c'est une fédération d'overlays. C'est une fédération d'overlays. Il y a le mesh, le service mesh qui va permettre de communiquer à l'intérieur d'un cluster avec tous les petits pods entre eux. C'est super génial. Mais ce machin-là, il va permettre à 2 clusters de communiquer entre eux et surtout de se connaître. Donc il y a plusieurs composants, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu. Il y a aussi des contraintes, mais on va d'abord parler des composants. Il faut un cluster qui doit être accessible par tous les clusters qui vont être potentiellement connectés les uns avec les autres. Donc c'est ce qu'ils appellent, je sais même plus. Voilà. C'est la fin du podcast. Ils appellent comment ça? Ah oui, le broker. Voilà, le cluster broker. Donc le Submariner Broker est un cluster en tant que tel qui va avoir la connaissance de toutes les informations, les métadonnées des clusters qui doivent être connectés. Donc c'est les CIDR, c'est les DNS, c'est, je sais plus, il y a d'autres, il y a tout un tas, il y a une petite dizaine de choses à rentrer. Et il va aussi définir qui... Et le master, enfin bon, voilà, tout un système d'élection qui est connecté à qui. C'est lui qui a la topologie. Il doit être accessible à tout le monde tout le temps. Donc il y a tout des contraintes de haute disponibilité, de redondance à faire sur ce cluster-là. C'est notamment pourquoi je l'ai pas testé, parce que j'avais pas de cluster. Moi, voilà, je suis sur des. Je suis pauvre, j'ai pas de cluster. Il y a pas de cloud et j'ai pas le droit d'aller dans le cloud. On a le droit d'aller dans le cloud, mais bon, on est principalement en bare metal et j'avais pas de quoi spawner un cluster et de faire des tests et surtout j'avais pas le temps. Mais c'est pas grave. Donc il y a ce cluster broker qui est dans lequel on va déclarer toutes les métadonnées. Ensuite, comment ça va se passer sur les différents clusters qu'on doit connecter? C'est qu'on va déployer un composant, en fait 2 composants. Il va y avoir le premier qui, lui, va instancier les... comment on appelle ça? Les agents qui vont connecter les clusters entre eux, donc qui vont se charger de créer les routes, les connexions IPsec. Et donc, ça fait un tunnel IPsec? Ça fait un tunnel IPsec entre les clusters. Donc, il y a un meshing, il y a... N-1 connexion. Alors, il me semble pas que ça, c'est pas méché, c'est du point à point. Oui, mais justement, donc en fait, en gros, ça fait une connexion d'un cluster à un autre. Ouais. Donc en fait, ça fait N-1 connexion pour un cluster. Enfin, N étant le nombre de clusters. Alors, qu'est-ce que t'appelles N? Le nombre de clusters. Donc, si jamais j'ai 5 clusters, j'ai 4 connexions IPsec. C'est ça. Enfin, 4 connexions d'un point. Enfin, oui, si t'as 5 clusters, chaque cluster va être connecté aux 4 autres. C'est ça, voilà. Ok, donc c'est un réseau en étoile, enfin voilà, une connexion étoilée. Et c'est ce broker qui est le centre de l'étoile? Non, lui, il ne reçoit pas de connexion. Lui, il fait juste de l'orchestration. Il dit aux autres, tu dois aller te connecter à machin, voici ses métadonnées, voici son adresse publique, démerde-toi. Okay. Ensuite, t'as l'agent qui va créer les endpoints qui spawn les connexions IPsec et qui gère en gros les règles IPtable et tout ce qu'il faut pour que et les règles de masquerading, de NAT et compagnie pour que les réseaux communiquent bien ensemble. Et ensuite, sur chaque agent, sur chaque node Kubernetes du cluster, il y a un daemon set qui est déployé et qui, lui, va dire à chaque nœud, en gros, quel est dans le cluster local, le nœud IPsec, enfin qui gère la connexion IPsec, qui est actif. Parce que pour des questions de redondance, on a plusieurs nœuds qui sont capables de gérer des connexions IPsec, donc 2, 3, 4 si on veut de la redondance. Et si jamais il y a une élection qui se fait entre ces nœuds-là, si jamais il y en a un qui tombe, un autre prend le relève, remonte la connexion IPsec et ça repasse. Alors, une petite question un petit peu bête. Du coup, s'il y a un tunnel IPsec qui est monté, et du coup, t'as les agents qui assurent justement la mise en place des routes. Est-ce que faut pas faire attention au conflit réseau entre les différents clusters? Est-ce que tout à fait. Les overlaps d'IP au niveau, je pense que ça doit être le pod CIDR, je pense. Exactement ça. Donc en fait, moi, c'est ce qui m'intéressait, parce que notamment chez moi, je me suis permis de mettre le même DNS dans tous mes clusters et le même range d'IP dans tous mes clusters, parce que je me suis dit, ils vont jamais communiquer entre eux, c'est pas prévu, pas de bol. Je vous ai parlé de comment ça marchait. Il y a tout un tas de contraintes, notamment au niveau du CIDR. Donc, dans toute la rubrique prérequisite, il y a notamment qu'il faut 3 clusters. Donc, il faut un cluster dédié pour le broker et 2 clusters pour communiquer entre eux. Mais surtout, il faut que les CIDR de chaque cluster soient différents, ne se chevauchent pas. Forcément, sinon le routage va mal se faire. En fait, en gros, ça permet de faire de l'agrégation vraiment de clusters. En fait, on agrège des réseaux entre eux, et chaque réseau est sur un cluster dédié, est réservé à un cluster cube différent. Et donc là, ça a tel marché. Tel que ça existe aujourd'hui. Voilà, donc là, ça a marché pour les IP. Donc ça veut dire que si un pod essaye d'accéder à l'IP d'un autre pod qui est sur un autre cluster, ça va marcher, ça va passer à travers le cluster. Ça va router vers un autre cluster. Comment ça marche pour les services? Ça va pas forcément marcher pour les services. Enfin, je sais pas trop ce que t'avais le service, mais c'est prévu qu'on puisse taper dans une IP de service. Non, je sais plus quoi. Tiens, c'est toi qui es sur le Mac. Est-ce que tu peux essayer de répondre à cette question pendant que je termine sur les contraintes? Bien sûr, quelle est la question? Oh, tu es attentif. Je sais plus où j'en étais. Ouais, les DNS, voilà, la contrainte sur le CIDR et la contrainte sur les DNS. Les DNS doivent pas être les mêmes entre chaque pod, notamment pour les réseaux service. Va taper sur toto.svc.mycluster1 ou toto.svc.mycluster2. Si chaque cluster a un service Toto, ça va pas marcher si on a le même nom de cluster. Donc ça répond à moitié à ta question. D'accord, non mais oui. Ça peut être compliqué de mettre ça en place pour des clusters déjà existants. C'est ça, pour des clusters déjà existants, si on n'a pas fait attention à ces contraintes-là, je pense que fais pas attention à ce genre de choses. Mais ça permet d'avoir déjà une première approche pour connecter deux clusters différents. Au niveau des pods, j'entends, parce que forcément, on a toujours l'option d'avoir des ingress, d'avoir des node ports, d'avoir plein de choses, et ça, c'est une première manière de, sans parler du tout de cette solution-là, Submariner, donc pour connecter des clusters entre eux. Mais si on veut aller plus loin, on a ça. Ça donne une solution, en fait. Ouais. Si jamais vous avez cette contrainte-là vraiment qui est forte, que vous hésitez entre créer un cluster avec un overlay multi-région, etc., ou faire des petits clusters connectés entre eux, bah voilà, vous avez une solution possible. On dit pas que c'est la bonne à tout prix, mais ça peut être une solution. Ça permet pas encore d'avoir des déploiements qui se font à la fois. Par exemple, je demande 20 réplicas sur un déploiement et j'en vais en avoir 10 sur le cluster 1 et 10 sur le cluster 2, ça permet pas de faire ça. Ça permet juste d'un point de vue réseau, network et DNS de connecter des clusters entre eux. Donc j'attends, moi personnellement, je trouve pas ça idiot. J'attends de voir la plus-value face à tout ce qui est Calico, tout ce qui peut. Enfin. Istio peut-être aussi. Ouais, mais Istio, est-ce qu'on peut connecter et la fédération. Enfin voilà, je saisis pas encore la valeur ajoutée. Je vois que c'est pas mal, personnellement. Je vois que ça peut apporter quelque chose, mais pour moi, la valeur, elle n'est pas encore évidente. Bah, eux, leur exemple, qu'ils mentionnent par-dessus comme le use case phare, c'est quand tu veux, par exemple, avoir une définition d'un déploiement Cassandra avec un ring réparti géodistribué. Il y a un autre truc que j'ai vu, maintenant que j'y repense, parce que j'ai regardé la vidéo quand même, je suis pas complètement vierge touriste. Je vais avoir droit à mon badge, à mon sticker rancher. C'est quand même, on est capable de dire lors d'un déploiement qui se fait dans l'API Rancher, enfin dans Rancher, en passant via l'API, enfin via le Rancher, via Rancher tout simplement, d'avoir des composants d'un déploiement, par exemple la base de données qui va se faire sur le cluster 1 et le worker ou l'application qui va se faire dans le cluster 2, ça va être possible. Mais tout simplement, en passant par Rancher. Donc Rancher, lui, connaît les clusters, il va dire, OK, l'application cluster 1, la base de données cluster 2. Mais on va pas pouvoir avoir quelque chose d'hybride avec l'application qui est sur les deux clusters. Et je sais pas, le réplica sur le cluster 1 et la base de données master sur le cluster 2. Mais c'est fait justement pour pouvoir accéder à des services qui sont que sur un cluster plutôt que sur l'autre. Voilà. Tu vois, par exemple, tu pourrais imaginer vraiment la logique où tu as des clusters par équipe. C'est ça, une ségrégation. Ça permet de faire une isolée, de ségréguer par, éventuellement par périmètre. T'as filé un cluster pour une certaine équipe qui a dispatché quelques services et t'as une autre équipe qui est sur un autre cluster qui veut accéder à la première. Et ben, avec ça, t'es pas obligé de te passer par un layer de load balancer qui est encore une fois tierce au cluster cube. Tu passes directement entre clusters. Et chacune des équipes, pourtant, peut gérer le cycle de vie de son cluster comme il veut. C'est-à-dire être sur une 1.11, d'autres sur une 1.13. Gères les bases de données MySQL ou MariaDB d'un côté, ceux qui vont gérer, je sais pas, les Redis de l'autre, et ceux qui vont gérer les workers CPU ou les workers GPU. Ouais. Ce que ça impose, par contre, c'est une coordination en termes de plage d'adresse IP et des choses comme ça. En effet, il y a peut-être une valeur, en recherchant un peu, il y a de la valeur, mais faut voir comment ça va être approprié par la communauté, si ça va vraiment pendre ou s'il n'y a pas une autre solution plus pratique. Non, mais c'est pas mal parce que s'il y a des gens, je pense surtout de ce côté-là, qui sont des utilisateurs avancés du cloud. Désolé, je sors. Je sais que t'as l'usage vraiment où justement t'as une typologie où chaque équipe peut avoir un compte Amazon par environnement. Genre, t'aurais une équipe qui aurait... donc, t'as l'équipe Toto qui a un compte dédié Toto Dev, Toto Pré, Toto Pro, pour justement pouvoir faire du billing et une ségrégation plus forte. Et de temps à autre, t'as besoin d'accéder au compte de l'autre copain. Et tu peux faire ce qu'on appelle du peering dans Amazon. Et t'as exactement les mêmes problématiques. Ça t'impose d'avoir un IPAM qui est bien bien chiadé pour éviter justement d'avoir de l'IP overlapping entre comptes. Mais... tu vois, tu l'as à ce niveau-là quand tu gères des EC2. Mmh. Bah là, c'est le même niveau, c'est la même problématique, mais avec du cube, en te disant tu passes par les... C'est le coût en fait de ce tunnel IPsec qui est créé aussi, parce que si jamais à chaque fois que je dois accéder à l'autre cluster, je me tape une latence et des performances vraiment plus merdiques, à différence du peering sans doute fait par AWS qui doit être peut-être meilleur en termes de performance. Ou plus bas niveau. Après, c'est à tester. Et c'était le même concept, en fait, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est bien, mais je n'ai pas cette approche-là parce que je n'utilise pas le cloud, donc c'est bien que tu... Au niveau de la gestion, parce que ça te crée du coup un tunnel IPsec entre deux clusters, mais pour communiquer d'un namespace à l'autre, normalement, tu utilises des network policy. Ou c'est peut-être que pour ICP, je sais pas. Mais du coup, comment tu définis que ta network policy va te permettre de sortir de l'autre côté et d'aller dans l'autre cluster? C'est un nouvel objet ou C'est une très très bonne question. Ouais, à un moment donné, ils ont un Submariner Router Agent. Ouais, est-ce que le Router Agent, c'est pas celui qui va regarder les policy et t'autoriser ou pas le routing? La network policy, elle marche qu'au niveau de ton overlay, forcément. Donc, en fait, si jamais la terminaison IPsec, elle se trouve dans ton namespace, tu dois pouvoir sortir, puisqu'en fait, t'as accès, si jamais t'as le droit d'aller dans le pod d'IPsec, tu dois pouvoir sortir. Alors, après, c'est un projet qui est extrêmement jeune. Des gens qui utilisent la network policy, il y en a. Mais il y en a pas non plus tant que ça. Est-ce que c'est dans leur roadmap mais pas encore géré? Il y a écrit le terme policy management avec le daemon Charon, mais j'ai aucune idée de ce que ça permet de faire, des limitations, enfin voilà, de ce que ça, des features que ou des limitations que ça permet de poser. Je sais pas du tout. Mais peut-être. Voilà. Là, le but, de toute façon, de ce qu'on vous a, du but du podcast et de tout ce dont on a parlé, c'est vraiment de vous dire que les, euh, que les solutions existent, c'est pas forcément de dire qu'elles sont génialissimes, qu'il faut à tout prix les utiliser et que c'est la façon de faire. C'est vraiment de vous sensibiliser au fait qu'il y a des solutions qui existent au-delà du script bash pour installer un cluster, au-delà d'une gestion un peu à la mimine d'un Ansible, d'un Terraform, de CloudFormation, etc. Il y a peut-être d'autres solutions qui sont faites par une entreprise par exemple comme Rancher Labs, mais comme d'autres, et c'est à mon avis ce qu'on verra dans les prochains podcasts, des solutions qui vont permettre peut-être de changer la façon de faire et de vraiment utiliser Kubernetes d'une autre façon et de changer vos comportements de déploiement, de développement, de maintien, de mise à jour, etc. Et voilà. Et donc là, par exemple, on l'a vu avec Submariner, c'est-à-dire que si jamais vous designez vos clusters d'une certaine façon, et ben en fait, vous avez gagné une fonctionnalité potentielle en rajoutant ça. Voilà. De toute façon, l'ingénierie là-dedans, il faut voir que vous avez en face de vous des solutions qui sont multiples, qui sont extrêmement nombreuses. À vous de trouver la meilleure pour votre contexte à un temps précis, et ce temps-là pourra changer, le contexte pourra évoluer, et les solutions d'hier seront pas forcément les solutions de demain. Et c'est pas parce que hier vous avez installé, vous avez testé Rancher 1 que maintenant vous n'avez pas le droit de regarder un K3S par exemple, etc. Enfin, on a vraiment une évolution dans le temps des solutions en fonction de vos besoins et en fonction même de votre maturité à vous-même. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter là-dessus. C'était le cube philosophe. Exactement. Sur France Inter. Et voilà, mais je voulais rappeler ça pour dire il n'y a pas forcément de débat de bonne ou mauvaise solution. Si jamais vous avez de l'expérience dessus, donc c'est déjà un peu ce qu'on a eu dans le chat, et c'est vraiment génial d'avoir ça en live. Merci Nicolas de ta participation là-dessus, sur ton retour d'expérience sur K3S par exemple. Mais si jamais vous avez d'autres retours d'expérience, n'hésitez pas à nous contacter pour venir en parler ici par exemple. Si jamais vous avez une idée, vous avez vraiment, vous êtes expert sur un des sujets de Kubernetes et que vous voulez en parler, ce serait vraiment génial. Je pense que la prochaine fois, on parlera un peu de Weave, parce que tu nous en as un peu parlé. C'est la troisième entreprise top. Voilà, donc c'est vraiment une entreprise à connaître. Si jamais vous connaissez pas, ils ont bien sûr Weave Networks qui est assez connu, puisque c'est un des réseaux utilisés le plus à l'intérieur des clusters Kubernetes. C'est avec ça qu'ils se sont fait connaître. Voilà, exactement. Mais en fait, ils ont une flotte d'autres produits assez sympas. Donc voilà, on vous en parlera la prochaine fois. Ça vous permettra d'avoir un autre point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire des projets au sein de Kubernetes qui changent la façon de déployer, la façon d'utiliser, etc. Donc voilà. Enfin, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ils ont encore plein de projets. Regardez aussi, il y a un projet qui s'appelle Rio chez Rancher, qui est une sorte de distribution Kubernetes ultra opinionated. Avec une façon de faire et une seule. Regardez ce qui existe, regardez ce qu'ils font, et puis peut-être ça vous donnera des idées, peut-être ça changera votre utilisation de Kubernetes au quotidien, ou même vous fera passer à Kubernetes parce que pour l'instant vous trouviez ça trop compliqué. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur Rancher. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les gens de chez Rancher et surtout les gars techniques sont très anglophones, et on voulait essayer de rester quand même un peu francophone dans ce podcast là. Je pense qu'il y a eu un bon digest quand même. Oui, voilà, c'est de l'ensemble, de la gamme. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter sur tous les réseaux, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter, soit en direct à chacun d'entre nous, soit directement à nos comptes, commenter. Et voilà. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas si tout le monde vous avait un dernier mot. Vive Kubernetes. Voilà. J'ai eu mon sticker Rancher.